16. déclaration. Je prends les paroles. Si le, la page elle veut bien s'afficher. Voilà. Que je galère, entraîne-toi. Derrière, il venait la faire en jazzy. Ah, ça y est, j'ai des paroles. Excusez. Voilà. C'est bon. Ah oui, il faut que je... Et tu ne rejoues pas la dernière mesure. Attends, je vais la chanter, ça sera plus facile. Je sais que je peux rêver. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te parle. Une déclaration. Ah non, t'as raison. Ma déclaration. T'as raison, pardon. Oups, c'est moi, pardon. Désolé. Allez. je suis seul. Ah. Ma déclaration. Je suis seul déjà. Ouais. Une déclaration, ma déclaration. Yes, guitare. Quand je suis seul, que je veux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration, ma déclaration. Juste deux, trois mots d'amour, te parler de nous. C'est ce qu'on est en train de faire, Ezekiel. Ezekiel. Tu peux improviser sur ces petits accords. Ezekiel, tu prends ta guitare, t'improvises sur la... Tu peux arrêter de chanter quand tu improvises, voilà. Quand je suis seul, okay. Voilà, tu vois. Ok, I sing, and after I sing, you play solo, I sing solo, I sing solo, ok? Everybody could play a solo guitar. Que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. James, you play after. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je t'ai fait tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seul, que je peux inventer. Ma déclaration. And now solo guitar. Thank you.

connais. Alors ça fait. J'essaie de me mettre sur le tempo. Le morceau de Dire Straits. Moonlight Shadow. C'est quoi la tonalité